Les grands feuilletons de France Culture. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Fascinant, toute cette affaire est fascinante. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Sinclair ? Ah, mon cher Joseph, question embarrassante, très embarrassante. Débarrassez-vous. J'avoue que je n'entrevois aucune solution au problème posé par cette fichue galerie mystérieuse. Et même avec le bon bout de votre raison ? Mais parce qu'il n'y a rien de raisonnable dans tout ça. Je ne sais pas, mais il me semble qu'au moins une chose soit certaine dans cet imbroglio. C'est que l'assassin que vous poursuivez a été, à un moment quelconque de cette poursuite, présent dans la galerie. Ça, oui, présent. Eh ben. Eh ben quoi ? Allez-y, vous êtes parti sur les chapeaux de roue, mon bon maître. Pourquoi vous arrêtez-vous en si bon chemin ? Allez, petit effort. Bon. Bon, ben, je vais essayer. À partir du moment où l'assassin étant dans la galerie, il a pu les portes et fenêtres gardées, disparaître comme par enchantement, c'est qu'il faut admettre qu'il existe une issue que nous ignorons et que nous n'avons pas découverte. Mon cher, vous ne le changerez jamais. Allons bon, qu'est-ce que je vais entendre ? Écoutez, vous raisonnez comme une savate. Ah bon ? Que dis-je, comme une savate ? Pire, vous raisonnez comme Frédéric Larsan. Merci du compliment, c'est très agréable. Oh, remarquez que je ne tiens pas cette boutade pour péjorative. Ah bon, bah ça va alors. Bah non, il faudrait pour cela que votre opinion sur Larsan soit définitivement tranchée. Or, tantôt, vous assurez que Larsan a autant de jugeote qu'un pot de moutarde, tantôt, vous le portez au pinacle en disant il est rudement fort, le diable. Alors, eh ben, que voulez-vous ? Nous avons tous nos moments de faiblesse. Eh oui. Ah, le parc est beau. Hmm? Regardez donc par la fenêtre qui nous arrive. Sir Arthur Rance. Oh là là là là là là, il est toujours aussi écarlate. Hein. Ah oui, ah ben ça, il n'a pas besoin de maquillage. Oh là, cette couleur rubiconde que vous lui voyez est le résultat d'un audacieux mélange. Champagne brut et bourbon. Ah oui. Il était donc cette nuit au château, mais pourquoi faire, à votre avis ? Parce que vous ne l'aviez pas revu depuis la fameuse soirée de l'Élysée ? Ah non, pas du tout. Non. Mais je me souviens vous avoir entendu dire qu'il était sur le point de quitter la France. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est d'ailleurs pourquoi je suis étonné de le trouver ici, au château du Glandier. Il n'est pas arrivé ce matin. Mais encore moins cette nuit. Et il est donc arrivé hier soir avant le dîner, et je ne l'ai pas vu. Ben écoutez, je vous propose d'aller tirer cette histoire au clair chez les Bernier. Oui. Thank you. que c'est? Ouvrez, Bernier, c'est moi, Rouletabille. Vous êtes déjà sur le pied de guerre, monsieur Rouletabille. Oui, bonjour, Bernier, bonjour, madame Bernier. À votre service. Dites-moi donc, je voulais vous demander, à quelle heure est arrivé Sir Arthur Rance? Il est au château? La première nouvelle. Mais comment vous ne le saviez pas? On ne savait rien de rien. Il a dû arriver hier soir après notre service. Monsieur Rance adore la marche. Il paraît que ça lui fait du bien. Oui, et alors? Alors, quand il vient ici, il descend à la gare de Saint-Michel-sur-Orge. Et puis de là, il parvient au Glandier en passant par la forêt. Ah bon? Hein? Mais comment fait-on? C'est enfantin. Il arrive au parc du château par la grotte de Sainte-Geneviève. Et il n'a plus qu'à enjamber le petit grillage et il est dans la propriété sans avoir à se présenter à la grille. Attendez. Vous dites que si Arthur Rance est un habitué du château... Un habitué, non, mais il vient de temps en temps. Et la première fois qu'il est venu ici, c'était quand? C'était 2 ans avant qu'on change de président de la République. Enfin, tout de suite après les législatives, quoi. Mais bon, ça fait 9 ans. Tout juste, ça fait 9 ans. Pour ça, mon homme a une mémoire des chiffres. On dirait qu'il a fait des études. Bien. Et alors, depuis 9 ans, à votre connaissance, il est venu combien de fois au Glandier? 4 fois. Non. 3. Ça fait 4 avec cette fois-ci. Et qu'est-ce que je vous disais? Bien, maintenant, réfléchissez bien. En dehors d'aujourd'hui, quand est-il venu pour la dernière fois? Alors là, c'est facile. Juste une semaine avant l'attentat de la Chambre jaune. Dans la rainure du parquet? Oui, monsieur Rouletabille. C'est bien. Donc, préparez-vous tous les deux, hein. Merci encore. Et je compte sur vous, c'est pour ce soir. Vous pouvez y compter. Silence et discrétion. Silence et discrétion. Mon cher, il est grand temps d'aller déjeuner. Je meurs de faim, pas vous? Je reconnais que je grignoterai volontiers quelques bricoles. Alors je vous propose l'auberge du donjon, ça vous va? Ah oui, mais cette fois vous êtes mon invité. Si vous voulez. Bon. Dites-moi, Joseph, vous y allez souvent prendre vos repas? Ça m'arrive. Mais vous prenez aussi vos repas au château? Parfaitement exact. Larsan et moi, nous nous faisons servir tantôt dans sa chambre, tantôt dans la mienne. Ah oui? Oh, ce qui fait bon. Mais qu'est-ce qui vous étonne, mon tout bon? Le professeur Stangerson ne vous a jamais convié à sa table? Ah non, pas une fois, jamais. Mais il tolère néanmoins votre présence chez lui. Ouf, allez donc savoir. En tout cas, il agit exactement comme si nous ne le gênions pas. Ah bon? Et ça lui arrive de poser des questions? Le professeur, jamais. Il est aussi loquace qu'une huître. Ah oui. Il est resté dans l'état d'esprit du monsieur qui était derrière la porte de la chambre jaune pendant qu'on assassinait sa fille, qui a défoncé la porte et qui n'a pas trouvé l'assassin. Alors il est maintenant complètement persuadé que n'ayant rien pu de lui-même découvrir, nous autres pauvres enquêteurs, nous n'avons aucune chance de faire mieux que lui. Voilà. Mais remarquez, depuis que Larsan a émis l'hypothèse que Darsac pouvait être mêlé à l'attentat, le professeur s'est fait un devoir de ne pas troubler nos illusions. Voilà, mon cher ami, où nous en sommes, très exactement. Et les concierges, les Berniers? J'ai eu une entrevue dernièrement avec le professeur, et muni d'une feuille de papier et d'un stylo, je lui ai demandé d'écrire ses lignes. Je m'engage, quoi qu'il puisse dire, à garder à mon service monsieur et madame Bernier, deux fidèles et loyaux serviteurs. Et il a signé. Et ça voulait dire quoi? Écoutez, c'est enfantin. Dès que les Berniers ont vu le papier, ils ont été rassurés. Et ils ont parlé. C'était d'ailleurs ce que j'avais prévu. Ah bon? Parce que leur témoignage est important? Bon, déjà, ils ont reconnu qu'ils braconnaient sur les terres de monsieur Stangerson et qu'ils arrondissaient leur fin de mois en vendant le gibier à l'auberge du donjon. Ce qui explique qu'ils étaient debout, habillés, et non loin du pavillon le soir du drame, c'est ça? Bravo, Sinclair! Mais qui vous a donné cette idée? La même réaction, vous, sans doute. C'est possible. Vous vous souvenez, à notre première visite à l'auberge du donjon, j'avais entendu Mathieu dire à quelqu'un, je sais d'ailleurs pas si vous l'aviez entendu vous-même, « Maintenant, il va falloir manger du saignant. » Oui, je me souviens parfaitement vous avoir, vous aussi, entendu prononcer cette phrase sibylline dont j'ignore toujours le sens. Eh bien, c'est l'adverbe « maintenant » qui a retenu mon attention. Vous voyez? maintenant. Maintenant pouvant signifier depuis l'attentat. Voilà. Bon, nous allâmes déjeuner à l'auberge du donjon. Là, j'envoyais la phrase à Mathieu. Hein? Et je compris à sa surprise et à sa tête qu'elle était très importante, cette phrase. Comme à ce moment-là, nous avions parlé de l'arrestation des concierges, enchaînement d'idées, je me suis dit, Rouletabille, maintenant que les Berniers sont arrêtés, il va falloir manger du saignant. Eh oui, plus de concierges, plus de gibier. Ah, subtil Joseph. Et pourquoi avez-vous pensé au gibier ? Oh, c'est tout simple, à cause de Mathieu et de sa haine pour le garde. Haine partagée avec le Bernier, nous a-t-il dit, vous vous souvenez ? Alors j'ai pensé au braconnage. C'était la seule chose qui justifiait la présence des concierges et les obligeait malgré tout à garder le silence. Ah, c'est renversant. Absolument renversant ça. Quand Merci. Je vous vois faire fonctionner vos petites cellules grises, mon cher Joseph... Merci beaucoup. Le reste confondu, vous êtes un phénomène qui pratiquait la logique à ellipse. Merci infiniment. D'autant plus que l'hypothèse... Elle était là, mais il me fallait l'étayer, il me fallait des traces sensibles. Et où les chercher, si ce n'était chez les Berniers? Et c'est dans leur maisonnette que vous m'avez vu me faufiler. Et vous avez trouvé? Des lacets et du fil de laiton. En termes légaux et cinégétiques, on appelle ça des collets. Voyez-vous, je tenais la preuve de la présence des Berniers la nuit du crime dans le parc. Et ils ont préféré se laisser accuser de complicité de crime plutôt que de reconnaître le braconnage. Ah ben, tiens donc. Aux assises, s'ils reconnaissaient le braconnage, ils étaient immédiatement lavés de tout soupçon. Seulement, le lendemain, ouf, ils étaient virés du château dans la seconde. Et c'est pourquoi vous avez montré le papier signé du professeur Stangerson au juge de Marquet. Et voilà. Et devant les déclarations des Berniers, il a été obligé de les relâcher séance tenante. Alors eux, vous pensez, les Berniers, ils étaient tellement heureux et reconnaissants que maintenant, ils seraient disposés à manger dans le creux de la main. C'est bien normal. Seulement, pourquoi ne pas les avoir fait libérer plus tôt? Réponse, je voulais être sûr de n'avoir affaire qu'à des braconniers. Autrement dit, je les laisse venir, j'étudie le terrain. Comme Larsan. Comme Larsan. Et vous avez été convaincu? Bon, disons que ma conviction s'est consolidée jour après jour. Et voilà, tout cela est clair, limpide, ça coule de source. Mais c'est vrai, mon cher, tout ça est simple, c'est très simple. Dites donc, est-ce que nous n'avions pas projeté de déjeuner à l'auberge du donjon? Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et voilà, alors tout en parlant, regardez, nous sommes arrivés sans nous en rendre compte. On entre. Ravie de vous voir. Bonjour, madame Mathieu. Comment se porte notre charmante hôtesse? Très bien. Et les affaires, madame Mathieu? Bah, il y a comme un marasme. Ah, oh, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque qui veut ça. Et monsieur Mathieu? Bah, tout doux. Il est toujours au lit. Oh, bah, alors la clientèle devrait revenir, car vous êtes tellement plus aimable que lui. Monsieur Sinclair. Elle est toujours ses rhumatismes? Oui, ses vieilles douleurs, comme il dit. Il n'y a vraiment que les piqûres de morphine à petite dose qui le soulagent. J'ai dû encore lui en faire une la nuit dernière. Comment ça, des piqûres de morphine? Oui, mais sur prescription médicale. Ah, bien sûr. Alors, vous déjeunez, messieurs? Non, pas avant de savoir ce que vous avez de bon. Oh, bah mon Dieu, pas grand-chose. Oh. Non, j'ai mis en train une croustade de morille. Oh. Après, j'ai un bel aloyau avec un gratin dauphinois. Et elle dit qu'elle n'a pas grand-chose, sancta simplicitas. Écoutez, nous ferons de cet extra un ordinaire pas ordinaire. Et pour boire? Disons deux bouteilles de brouilly. Mais vous nous en apportez une tout de suite, elle nous servira d'apéritif. Je m'occupe de tout. Merci, madame Mathieu. Merci, madame Mathieu. Bien, alors écoutez-moi, maintenant que nous sommes seuls, je vais, mon cher Sinclair, vous apprendre quelque chose de très important. Oui, excellent journaliste, mon cher Joseph, enquêteur génial, mais cabotin, oh cabotin. Pourquoi? Ah ça, on peut dire que vous savez ménager vos effets. Bon, alors je vous en supplie, à genoux, apprenez-moi vos révélations. Non, donnez-moi seulement une allumette pour ma pipe et je commence. Oh, mais c'est pas possible. Il y a des moments où il est insupportable, cet homme. Voilà. Voilà. Voilà votre brouilli. Ah, merci, madame Mathieu. Et maintenant, je vous laisse vous régaler. Servez-nous donc, mon cher Sinclair. Merci, madame Mathieu. Mais qu'est-ce qui m'agace? Alors, faut que je serve maintenant. Voilà. Ok. Ah, oui, ça y est. Oh. Ah, là, il est super. À votre santé. Hein. À votre santé. Ah, oui. Oh, c'est une merveille. Donc, mon cher ami, ce soir, au château du Glandier, j'attends l'assassin. Ben voilà une nouvelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Figurez-vous qu'hier soir, je vais pour me mettre au lit. Ouais. On frappe à ma porte. J'ouvre. C'était Darzac. Entrez, je vous en prie. Que se passe-t-il? Voilà. Je suis venu vous avertir qu'il faut que je me rende à Paris demain. Oui, c'est une nécessité impérative. Oui. Et les raisons de ce voyage? Hélas. Péremptoire et mystérieuse, comme toujours. Expliquez-vous. Péremptoire parce qu'il est impossible que je ne fasse pas ce voyage. Mystérieuse parce qu'il est hors de question de vous en révéler le but. Darzac, on dirait une plaisanterie. Je donnerais volontiers la moitié de ma vie pour ne pas avoir à quitter ma chère Mathilde. Oui. Sincèrement, je la crois en danger. Vraiment? Oui. Il arriverait quelque chose de grave la nuit prochaine que cela ne m'étonnerait pas. Et pourtant, il faut que je m'absente. Je serai de retour au Glandier après-demain matin seulement. Et d'où prenez-vous cette idée de danger? Oh, c'est simple. J'ai remarqué que chaque fois que j'étais obligé de m'éloigner du château, il arrivait quelque chose à Mathilde. La nuit de la galerie mystérieuse, j'étais absent. La nuit de la chambre jaune, absent également. Donc vos absences obéissent à une volonté plus forte que la vôtre? Oui, peut-être. Est-ce que cette volonté ne serait pas celle de Mathilde, justement? Ah, je vous jure que non. Bien. La décision de mon départ a été prise par moi en dehors de toute instruction de Mathilde. Rouletabille, s'il lui arrivait quelque chose, ce serait terrible, et pour elle et pour moi. Elle risque de se trouver encore une fois entre la vie et la mort, et moi, encore une fois, je ne serai pas là pour essayer de la protéger. Et je ne pourrai toujours pas dire où je me suis rendu. Vous n'ignorez pas que tous les soupçons pèsent sur vous. Larsan et de Marquet sont presque persuadés de votre culpabilité. Oui, oui, je le sais. Mais alors pourquoi ne pas révéler le nom de l'assassin? Moi? Je ne connais pas le nom de l'assassin. Qui me l'aurait appris? Mathilde Stangerson. Oh, vous dites des choses horribles. Bon, très bien. Écoutez, depuis que vous êtes au château, Rouletabille, j'ai pu apprécier votre exceptionnelle intelligence et votre ingéniosité. Voici le service que je réclame de vous. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Mes craintes ne sont peut-être pas justifiées, mais je préfère tout prévoir pour rendre un éventuel attentat impossible. Je vous prie de veiller sur Mathilde. Arrangez-vous pour qu'on ne puisse entrer dans sa chambre. Ne dormez pas, ne vous accordez pas une seule seconde de repos. L'assassin que nous redoutons est d'une astuce prodigieuse, qui n'a sans doute jamais été égalée dans le monde. Cette astuce même sauvera peut-être Mathilde. Oui, puisqu'il saura que vous veillez, il ne tentera peut-être rien. Et vous n'avez jamais parlé de tout cela avec le professeur Stangerson? Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le professeur me dise, comme vous tout à l'heure, « Dites-moi le nom de l'assassin. » Vous, dont c'est le métier, la révélation de mon départ vous a étonné. Vous imaginez ce que pourrait penser le professeur Stangerson si je lui avouais la même chose? Voilà pourquoi je suis venu vous voir. Voilà pourquoi je n'ai confiance qu'en vous, Rouletabille. Merci. Merci de votre confiance. Bon, quand je serai parti, vous signalerez vos soupçons au professeur, à Larsan, au père Jacques, enfin, à tout le château. Et vous pourrez ainsi organiser la surveillance. Hein, aux yeux de tous, l'idée viendra de vous. Cela seul a de l'importance. Bien. Bien, j'admets provisoirement vos raisons, monsieur Darzac. Vous êtes nerveux, désemparé, et d'ailleurs, on serait à moins. Alors, maintenant, essayez d'aller vous reposer, et demain, partez un peu plus tranquille. Je prendrai toute directive qui s'impose. Ah. Merci, Rouletabille. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci. Voilà, mon cher Sinclair. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'apporter des revolvers. Nous devons faire échec au crime. Oh. Cette croustade au mori. Merveilleux. Oh. Même chez Lucas Carton, on n'aurait pas trouvé mieux. Alors. Oh, le monstre. Oh, le monstre. Dénaturé, quand je lui parle crime, il me répond croustade. Non, mais j'ai écouté passionnément votre récit, ce qui ne m'a pas empêché de faire un repas délectable. Oh, je lui parle assassin, il me répond à loyaux. Vous n'êtes pas un cerveau, vous êtes un ventre. Halte. Pour être en forme, il faut se nourrir. C'est vrai. Et tant qu'à faire de se nourrir, je préfère la simplicité rustique incomparable de la cuisine de Madame Mathieu à des plats frelatés où les sauces inconnues vous cachent le brouet. Oh, ça y est, il parle maintenant comme Antonin Carême. Oh, je le voudrais. Mais lui, fût sans cuisine, avait bien du génie. Cela dit, cher Joseph, et vous ayant oui, ce n'est pas pour les faits qu'ici je me passionne, mais plus pour la façon dont vous les présentez. Ouh, et vous parlez en vers. Il y manque des pieds. Mais puisque vous parlez de vers, et que le mien a un pied, versez-y, s'il vous plaît, le reste du brouillis. Et encore un bravo pour l'exposé des faits. Flatteur. Mais j'attends plus de vous. J'ai subi le récit, je veux les conclusions. Tiens donc, vous n'avez pas envie vous-même de prendre la parole, mon cher maître? Oh non, sûrement pas. Ça, j'ai encore certains ricanements dans les oreilles. Et susceptible en plus. Ah, vous l'avez dit. Bon, tact. Alors, selon vous, après le départ de Darzac, qu'est-ce que j'ai fait? Une cuillère de gratin dauphinois. Pour finir cette viande sublime. Merci. Et je réponds, vous avez réfléchi. Bravo. C'est exactement ça. Vous voyez quand vous vous y mettez? Alors j'enchaîne. J'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi à quoi? Alors ça. Et ben voilà, je me suis dit qu'il me fallait être plus astucieux que celui qui est l'astuce personnifiée. Vous comprenez? Autrement dit, que si l'assassin devait aller cette nuit dans la chambre de Mathilde, il ne puisse pas se douter une seconde que l'on soupçonnait sa venue. Voilà. Superbe, absolument superbe. Alors, tout va bien? Oh, parfait, Madame Mathieu, absolument parfait. Est-ce que je vous fais un petit café? Oh, s'il vous plaît, très fort. Bien. Ah, merci, Madame Mathieu. Alors, pas de réaction, Sinclair? Eh bien, une seule, mon bon ami. Allez-y. Vous ne trouvez pas que vous jouez un jeu dangereux? Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas toujours jouer pour s'amuser. Oh. En fait, tout le principe de l'opération consiste à empêcher l'assassin de pénétrer dans la chambre de Mathilde. Oui. Et ensuite, tenter de voir nettement ses traits. Voilà. Comprenez, ça ne peut plus durer. Il faut absolument le démasquer. Il faut libérer cette fille de cet assassinat suspendu au-dessus d'elle en permanence. C'est parfait. Y compris, naturellement, pourquoi il était indispensable de connaître enfin la figure de l'assassin. Ah non, ça, pas vraiment. Ah. Oh. Il faut que je sois sûr qu'elle entre dans le cercle que j'ai tracé avec le bon bout de la raison. Voilà, deux cafés bien forts. Oh, Madame Mathieu, vous êtes une perle. Oh, Monsieur Rouletabille, vous faites rougir. Mais non. Et voilà le sucre roux. Oh, vous êtes quand même beaucoup plus charmante quand votre mari a des rhumatismes. Vous croyez? Ah, oui. Ah, le père Mathieu est un homme comblé. Et je suis sûr qu'il n'apprécie pas sa chance comme il le faudrait. Oh, ça. Oh, Madame Mathieu, mettez-nous dans deux petits calvas, voulez-vous? Voulez-vous goûter à celui que nous faisons à la maison? Mais pourquoi pas? Bien sûr. Mais méfiez-vous, mon bon maître, il doit bien titrer 70 degrés. Au nom de Dieu, c'est vrai? Ah oui, il faut bien compter ça. Eh ben tant pis, je le boirai. Ave caro Mathieu, morituri te salutant. Oh, il plaisante, mais c'est fou. C'est correct au moins ce qu'il a dit. Oui, oui, oui, tout ce qui est correct, Madame Mathieu. C'était, comment dire, une sorte de dommage. Ah, bien. Alors, voilà l'addition, les calvas, et je vous laisse. Voilà, merci, Madame Mathieu. Et ce Sinclair continue à sourire dans des circonstances pareilles. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher Joseph? Psychologue, sans doute, mais pour l'instant, encore vivant. Alors, vous pouvez rien faire contre ça, c'est une loi de nature. À votre santé, ce petit calvin. À votre santé. Ah oui, il ira plus. Bon, maintenant, soyons sérieux. Joseph, pourquoi êtes-vous si sûr de la présence de l'agresseur à 10h30 ce soir? Parce que j'ai la preuve que Mathilde fait tout de son côté pour lui permettre d'entrer chez elle. Comme c'est curieux. Ce qui vous paraît actuellement curieux n'est certainement rien à côté du curieux qui vous attend. Tiens, Mathilde a donc des relations, au moins épistolaires, avec son agresseur. Et admettez-le, admettez-le. Il est vraisemblable que dans sa dernière lettre, il lui demandait une entrevue. Et naturellement, cette entrevue est pour ce soir. En effet, pour ce soir. Sir Arthur Rance. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 15e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, Madame Mathieu, Monique Gérard, Madame Bernier, Anne-Alexandre, Monsieur Bernier, Gabriel Gobin. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 19 août 1983. Voici une évocation du style ou des styles de Gaston Leroux par l'écrivain et avocat Jean-Pierre Bourse. Gaston Leroux a commencé d'ailleurs par écrire un roman qui n'a jamais été publié, et je pense que ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas trouvé d'éditeur, un roman qui s'appelle « Ton maître », qui est un roman relativement autobiographique et qui est écrit dans un style totalement décadent. Il est tout à fait extraordinaire de constater que cet écrivain, qui va très peu de temps après écrire Le mystère de la chambre jaune, va adopter un style qui est d'une limpidité, d'une clarté, d'une rigueur absolument extraordinaire pour les besoins de la démonstration de son roman. Et il va retrouver, par après, dans des romans plus échevelés et plus gothiques, comme par exemple La Reine du Sabbat, Chérie Bibi, Le Roi Mystère, un style qui, de nouveau, va être un style non pas décadent, non pas de style de ton maître, mais un style beaucoup plus chargé d'adjectifs à la Victor Hugo, beaucoup plus emphatique. C'est tout à fait extraordinaire. Je trouve qu'il y a là une sorte de malléabilité et de faculté d'adaptation dans le style de Gaston Leroux qui est tout à fait fascinant quand on tout à fait fascinante quand on lit ses romans. L'écrivain et avocat Jean-Pierre Bourse au cours d'une nuit consacrée à Rouletabille le 20 septembre 2015. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre.